Chapitre 7. La veuve Simonin. Comme le fer de deux lames qui se froissent dans un assaut d'armes, le regard de Ned Bjork et celui de la cartomancienne s'étaient croisés dès que l'Américain fut à nouveau entré dans le magasin. Mais, si un coup de circulaire avait suffi au détective pour remarquer, par la portière relevée, que Mademoiselle Dansangalio n'était plus dans l'arrière-boutique et que les tarots avaient disparu de la table, la vieille de son côté venait de reconnaître son acheteur de tout à l'heure. Un doute lui traversa l'esprit. Avait-il trouvé quelque défaut à l'objet vendu? Regrettait-il déjà son acquisition? Voulait-il qu'on lui reprît la tabatière? Et ses lèvres se pincèrent d'un sourire aigre-doux pour demander « Vous venez me revoir. C'est bien, monsieur. Auriez-vous remarqué quelque autre article qui vous fit envie ?»« Mon Dieu non, madame !» répliqua Bjork d'un ton glacial. « L'objet de ma visite est tout différent. » Puis à brûle-pourpoint, il questionna « Vous êtes bien Madame Simonin ?»« Mais oui, monsieur, » fit-elle un peu étonnée. « C'est bien ce que je pensais. Vaguement antiquaire, cartomancienne à l'occasion, et surtout marchande de neige. » Le regard de la vieille se fit perçant, accusant une inquiétude où se mêlait l'appréhension d'un danger inconnu. Tout de suite, d'ailleurs, elle s'était défendue avec énergie. « Moi, faire le trafic des stupéfiants, quelle abomination! Qui peut répandre de pareils bruits sur mon compte ?» Des voisins, sans doute, des jaloux, il y a tant de méchantes langues. Mais Bjork devait couper court à son indignation. « Allons, la mère Coco » fit-il avec brusquerie. « Ne vous défendez pas inutilement, on vous connaît, vous et votre cambuse de Montmartre. » Atterrée de se voir découverte, la vieille, prête à s'écrouler, balbutia. « Mais je vous jure, » ici encore, la carte de la sûreté que Bjork venait de produire fit son effet. « Vous voyez que je suis bien renseigné. » reprit-il en la foudroyant du regard. « Alors maintenant, causons. »« Voulez-vous me dire ce que Mademoiselle Dansangalio faisait tout à l'heure dans votre arrière-boutique ?»« Mademoiselle qui ?» répéta la vieille, feignant la surprise. « La fille du comte Marini Dansangalio. »« Une jeune personne ?» se décidait-elle à reconnaître. « Était bien ici, en effet, il n'y a qu'un instant encore. Elle se faisait dire la bonne aventure, mais j'ignore son nom. »« Vous mentez !» coupa froidement l'Américain. « Vous savez parfaitement le nom de cette jeune fille que Daniello Salviati vous a tout spécialement recommandée, comme lui-même a pris l'italienne Teresa de vanter votre prétendue science divinatoire à sa jeune maîtresse. Prétendez donc que ce n'est pas vrai ? Vous vous taisez ? Eh bien, je veux tout savoir. » Depuis quand l'ancien amant de la Zamboni, celui qu'on a accusé de la mort tragique de la danseuse et du vol de ses bijoux, vous a-t-il commandé d'épouvanter Mademoiselle Dansangalio en lui dévoilant dans un très proche avenir un malheur qui plane au-dessus de sa tête ? Devant l'évidence, la veuve Simonin se décida à tout avouer. Et depuis quand avez-vous fait prendre à cette infortunée jeune fille l'abominable habitude de priser de la neige ? Ajouta le policier. Cette fois, la veuve Simonin se défendit avec une indignation qui n'était pas feinte et avait la réelle apparence de la vérité. Allons, de ce côté du moins. Le mal était moindre qu'on eût pu avoir à le craindre. Et Bjork, dans un cas comme dans l'autre, ne pouvait que se féliciter d'avoir plaidé le faux pour savoir le vrai. Le compositeur avait-il reculé devant l'emploi de la drogue? C'était possible après tout. Mais il était incontestablement le diabolique instigateur de toute cette odieuse machination et avait trouvé, dans la veuve Simonin et Teresa, deux instruments dociles. Entre la première et Salviati, il y avait un cadavre qui les liait l'un à l'autre. Quant à Teresa, la cupidité seule avait dû la faire obéir aveuglément. Salviati s'était assuré sa complicité en l'achetant. La situation maintenant devenait claire comme le jour, et Ned Bjork tenait enfin tous les fils de ce criminel complot qui avait les plus grandes chances d'aboutir à l'amour tragique, mais naturel, de Mademoiselle Dansangalio. Il se faisait un véritable point d'honneur de confondre le misérable en le prenant en flagrant délit avant qu'il soit parvenu à réussir ce coup infernal. Pour cela, il fallait absolument s'assurer du silence de la veuve Simonin, qui avait intérêt à mettre Salviati sur ses gardes, et Bjork sentit qu'il n'y arriverait que par la peur. Aussi, avec une brutalité voulue, s'écria-t-il en la fixant d'un regard froid et pénétrant comme l'acier. Vous savez qu'il n'y a pas encore prescription pour le crime de Milan. L'affaire est loin d'être classée, et la police italienne serait heureuse de savoir où retrouver la veuve Simonin, la vieilleuse de la Zamboni, mystérieusement disparue. Dans l'affaire de trafic de stupéfiants, où vous avez bénéficié d'un acquittement. La justice française a bien fait allusion à votre situation auprès de la danseuse morte si tragiquement. Mais ce détail est passé pour ainsi dire inaperçu, et la justice italienne ne s'en est point occupée. Il ne tient qu'à moi de la lancer sur cette piste. Oh, monsieur ! Se lamenta la vieille épouvantée. Mais qui donc êtes-vous pour ? Peu importe. Vous voyez que je suis au courant de tout, et que mes révélations peuvent vous faire arrêter. C'est toute l'affaire Zamboni, revenant sur le tapis. Une nouvelle instruction ouverte, et vous auriez peut-être bien du mal à tirer votre épingle du jeu, même en chargeant Salviati qui, lui, ne vous épargnerait pas. Mais qu'exigez-vous donc de moi pour m'accabler ainsi ? Décidément, Bjork avait réussi. La veuve Simona arrivait à composition. Vous devez bientôt revoir Salviati, demanda-t-il, car il doit vouloir s'assurer des progrès de vos agissements sur Mademoiselle Dasangallo. Quand viendra-t-il ? Je l'ignore, il ne me prévient jamais, mais il n'est guère de jour qu'il ne revienne. Eh bien, pas un mot à qui que ce soit, à lui surtout, de ce qui s'est passé entre nous. Mon silence et ma non-intervention dans l'affaire de la Zamboni sont à ce prix. Acceptez-vous ? Les traits de la vieille s'éclairèrent d'une joie intense. Elle voyait enfin le salut et n'hésita pas un instant à jeter Salviati par-dessus bord. « Si j'accepte, » fit-elle vivement, « pouvez-vous en douter ? Ce n'est pas tout. Quoi donc de plus ? Si Mademoiselle Dasangallo avait de nouveau recours à votre science du destin, vous aurez soin de ne pas l'alarmer davantage. Inutile toutefois de l'éclairer sur toutes vos supercheries. Ce qui lui donnerait inévitablement l'éveil sur les secrets agissements de Daniello Salviati, et la mettrait dans des transes qu'il est nécessaire de lui éviter. C'est là tout ce que j'ai à vous dire, Madame Simonin. Suivez mes instructions à la lettre, et je puis vous certifier que vous n'aurez pas à le regretter. » Et comme le policier faisait un mouvement vers la porte, la vieille l'arrêta d'une dernière question. « Me direz-vous au moins, monsieur, qui vous êtes ?» Il leva lentement les yeux sur elle, la fixa de son regard impitoyable, et laissa tomber ses seuls mots. « Ned Bjork, le détective américain !» balbutia Madame Simonin avec un frisson d'angoisse. « Oh !» En quittant le « Décrochez-moi ça » de la mère Coco, le policier, tout heureux de l'issue de sa démarche, hâtait le pas maintenant, se dirigeant vers Sainte-Marie des Batignolles. Mais il s'attendait bien à ne plus trouver personne. Bianca, après sa visite à la cartomancienne, devait avoir été rejoindre Teresa à l'église, et Farrell, les voyant s'éloigner, n'avait certes pas manqué de les reprendre en filature. Par acquis de conscience, Bjork entra dans le Saint-Lieu, mais ni la duègne ni Mademoiselle Dasangallo n'étaient là, Romain non plus. Il n'y avait plus que quelques pieuses personnes disséminées çà et là, plongées dans leur dévotion. Bjork décida donc de rentrer chez lui et d'attendre que Farrell vînt lui rendre compte de sa mission. En un mot, faire son rapport au GQG sur ce qu'il avait pu découvrir de son côté. Une heure après environ, son jeune ami était là. Ses renseignements d'ailleurs étaient d'importance. Bjork, parti à la suite de Bianca, s'était éloigné depuis quelques instants à peine qu'un homme, se glissant sans bruit dans l'église, s'approchait de Teresa et, courbé en deux sous un prie-dieu derrière elle, lui murmurait quelques mots à l'oreille. Ainsi vu de dos, Farrell ne pouvait distinguer son visage, mais ses grands cheveux, déjà grisonnants et rejetés en arrière, dénotaient qu'il n'était plus de la première jeunesse. Le colloque entre Teresa et lui, malgré qu'il fût à voix basse, comme l'exigeait la sainteté du lieu, paraissait assez animé. Dans un brusque mouvement, l'inconnu s'était redressé et, tourné de profil, les traits nettement accusés de sa tête énergique se trouvèrent brusquement éclairés par la lumière teintée venue d'un vitrail. Bjork, coupant la parole à son jeune ami, ne put retenir ce cri « Salviati !» Lui-même, approuva Romain Farrell en reprenant son récit. Il venait en effet de reconnaître le compositeur que hasard seul, ou l'ardeur d'une crise de piété, ne pouvait avoir conduit au pied des autels. Il ne manquait qu'un maillon pour attacher entre Teresa et lui les anneaux de la chaîne des évidences, et ce maillon, Daniello Salviati l'apportait à Farrell par sa présence même dans cette église des Batignolles. Le jeune policier, pourtant, voulait en apprendre davantage encore, et le mieux pour cela était de prêter l'oreille aux propos qu'échangeaient la duègne et le musicien. Avec d'infinies précautions, il se glissa jusqu'à eux, se réfugiant en pénitent fidèle dans un confessionnal tout proche. Le bruit de leur voix était encore confus, mais bientôt, au milieu de la silencieuse ambiance, des mots parvenaient jusqu'à lui, des lambeaux de phrases prononcées en italien, que sa connaissance de la langue lui rendait aisé à comprendre. Cette fois, il était bien définitivement fixé. On avait bien effectivement joué de la légende qui entourait la coupe en verre de Venise, de la prédiction qui se rattachait à cette relique de famille. de façon à exercer une pression malfaisante sur l'esprit de Mademoiselle da San Gallo, en mettant à profit son excessive nervosité devenue morbide. L'âme du complot, celui qui avait ourdi cette trame machiavélique, n'était autre que Daniello Salviati, dont Teresa était l'instrument servile. Quant à Bianca, l'innocente victime, parvenue au paroxysme d'une peur irraisonnée, il suffirait que la coupe du doge venant à se briser au jour de sa majorité confirmât la sinistre prédiction pour la tuer du coup. En ce cas, Daniello Salviati recueillit à sa place l'héritage fameux de la tante Andrea Marini da San Gallo. « Eh bien, mon ami, » fit Björk triomphant, « la chance nous a servi, vous et moi. Pendant que vous découvriez ainsi le mot de l'énigme, à la même heure exactement, elle m'était révélée de mon côté, comme vous allez le voir. » Et l'Américain lui conta son aventure chez la mère Coco.